Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord, au 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous. L'électricité n'est pas un jeu. Confiez le travail à des pros. Les électriciens du Nord de l'Ascension, 418-347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs ou usagers. Les électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux Jeux du Québec qui se déroulent à Alma et souhaitent la meilleure des chances aux athlètes et fiers de commanditer le reportage en provenance d'Alma. On va parler des Jeux du Québec avec notre collaboratrice Camille Girard pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Salut Camille! Salut! Donc aujourd'hui, on a eu 2 médailles d'or en curling, donc soit en curling féminin et en curling masculin. OK. Le classement général, on est 7e position. Puis demain, dans le fond, la compétition commence. On commence tous les nouveaux sports dans le fond du bloc 2. Curling, c'était-tu attendu, ça? Il voulait avoir un top 3, mais c'était semi-attendu, si on peut dire. OK, OK. Là jusqu'à maintenant, ça va très, très bien. On est rendu quoi, 15 médailles? 16. 16 médailles, donc ça va très bien. Dans le deuxième bloc, à quoi s'attendre? On s'attend un peu la même chose. On a des athlètes à surveiller. Donc, je pense qu'on va aussi bien performer que le premier. OK. Donc, les gens qui veulent avoir plus de détails, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de temps, tu me disais, les gens qui veulent avoir plus de détails, on va sur le site de Regroupement Sport et Loisirs? Regroupement Loisirs et Sport, Saguenay-Lac-Saint-Jean, effectivement. OK. Ben Camille, on s'en parle demain. Parfait, merci. Camille Girard et les Jeux du Québec. Merci, Camille.